سورة 87 الأعلى le Très-Haut. سبح اسم ربك الأعلى. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, ô toi Mohammed. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Celui qui a créé puis façonné harmonieusement et qui a décrété puis guidé en toute sagesse et qui a fait pousser les pâturages. فجعله غثاء أحوى. Pour en faire ensuite un fourrage sombre. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Nous allons te faire réciter le Coran afin que tu le mémorises et que tu ne l'oublies pas, excepté ce qu'Allah aura voulu et décrété. Il connaît certainement ce qui est apparent et ce qui est caché. Et nous te faciliterons l'accès à la voie la plus facile. Fais donc le rappel aux gens, au moment où celui-ci leur sera le plus profitable. Seul en tirera profit celui qui craint Allah, tandis que le grand malheureux s'en écartera. Celui qui entrera dans le grand feu de l'enfer, puis dans lequel il ne mourra point ni ne vivra. Aura certes réussi celui qui se sera purifié, puis qui aura invoqué le nom de son Seigneur et aura accompli la prière. Mais vous préférez plutôt la vie d'ici-bas, alors que la vie de l'au-delà est meilleure et plus durable. Tout ceci a certes été mentionné dans les précédents livres révélés. Les livres révélés à Ibrahim et Moussa, les prophètes Abraham et Moïse. Sourate 88, Al-Ghashiyah, l'enveloppante. هل أتاك حديث الغاشية؟ T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante le jour de la résurrection؟ وجوه يومئذ خاشعة. Ce jour-là, il y aura des gens au visage humilié. عاملة ناصبة. Préoccupés et harassés par tous les péchés qu'ils auront commis de leur vivant. تصلى نارا حامية. Qui brûleront en enfer dans un feu très ardent. تسقى من عين آنية. Et qui s'abreuveront d'une source d'eau bouillante. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Ils n'auront là-bas d'autre nourriture que des plantes épineuses. لا يسمن ولا يغني من جوع. Qui ni n'engraisse ni n'apaise la faim. وجوه يومئذ ناعمة. Il y aura également ce jour-là des gens au visage resplendissant, ravis et satisfaits de ce qu'ils auront accompli dans leur vie passée, qui entreront au paradis dans des jardins haut placés, où ils n'entendront aucune futilité. Il y a là-bas une source d'eau coulante, de même que des divans élevés et des coupes posées, et aussi des coussins parfaitement rangés et des tapis étendus. Ne regarde-t-il donc pas, ni ne médite-t-il sur les chameaux, comment ces derniers ont-ils été créés? Et le ciel, comment a-t-il été élevé? Ainsi que les montagnes, comment ont-elles été dressées? Et la terre, comment a-t-elle été étendue et nivelée? Fais donc le rappel aux gens, ô toi Mohammed, car ton rôle ne se limite qu'à leur faire le rappel. Et tu n'as certainement pas été envoyé tel un dominateur pour eux. Excepté celui qui aura tourné le dos à ton rappel et aura mécru en ton message. Celui-là, Allah le châtiera du châtiment suprême. C'est certes vers nous que sera leur retour le jour de la résurrection, puis ce sera à nous de leur faire leur décompte. Sourate 89, Al-Fajr, l'aube. والفجر وليال عشر. Par l'aube et par les dix nuits. والشفع والوتر والليل إذا يسر. Et par le pair et l'impair et par la nuit quand elle s'écoule. هل في ذلك قسم لذي حجر. N'est-ce pas là un serment suffisant pour le doué de raison ? أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ؟ N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi à l'encontre de Had, le peuple du prophète Houd ? إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ، ces gens qui habitaient Iram, la cité aux colonnes remarquables, الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ، qui n'avait d'égal dans aucune autre ville en matière de construction. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. Et avec les gens de Thamoud qui taillaient leurs habitations à même la roche dans la vallée, ainsi qu'avec Pharaon et ses épieux, ses innombrables soldats, qui avaient tous dépassé grandement les limites sur terre, et qui avaient commis beaucoup de crimes et semé beaucoup de désordres. À la suite de quoi, ton Seigneur leur infligea un châtiment terrible et exemplaire. Car ton Seigneur demeure aux aguets. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Quant à l'être humain, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit, en pensant en être méritant, mon Seigneur m'a certes honoré. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. Mais quand il l'éprouve, en lui restreignant et diminuant sa subsistance, il dit, en pensant qu'il ne mérite pas cela, « Mon Seigneur m'a certes avili. » Mais non, l'affaire n'est pas telle que vous le pensez. C'est plutôt vous qui n'êtes pas généreux envers les orphelins et qui ne nourrissez pas le pauvre ni ne vous incitez mutuellement à le nourrir et qui dévorez les héritages avec une avidité vorace et qui aimez les biens de ce bas monde d'un amour sans borne. Mais non, lorsque la terre sera pulvérisée d'une force inouïe le jour de la fin des temps. Puis que viendra ton Seigneur ainsi que les anges alignés en rang le jour de la résurrection. Et que ce jour-là, on amènera l'enfer. À ce moment, l'homme se rappellera, mais à quoi bon lui servira-t-il de se rappeler ? Il dira alors, hélas pour moi, si seulement j'avais avancé des bonnes œuvres pour ma vie future, ce jour-là donc, nul ne châtiera comme Allah châtiera. Et nul ne fera preuve de dureté comme il le fera. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Et Allah dira, quant à toi, ô l'âme apaisée, retourne désormais vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Sourate 90, Al-Balad, la cité. لا أقسم بهذا البلد. Vraiment, je jure par cette cité, Mecca, la Mecque. وأنت حل بهذا البلد. Et toi, tu vis dans cette cité. ووالد وما ولد. Et je jure par tout procréateur et ce qu'il procrée. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte et d'épreuve. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. L'homme pense-t-il que personne ne peut rien contre lui lorsqu'il s'attaque à un allié d'Allah? Il dit ainsi, plein d'arrogance, j'ai dépensé contre lui une fortune. Pense-t-il que personne ne le voit ni ne l'observe? Ne l'avons-nous pas doté de deux yeux, ainsi que d'une langue et de deux lèvres? Ni ne lui avons montré les deux voies, celle du bien et celle du mal, et lui avons laissé le libre choix. Or, il ne s'engage pas dans la voie pleine d'obstacles qui mènent au paradis. Et qu'est-ce qui pourrait te donner une idée de ce qu'est vraiment la voie pleine d'obstacles? Il s'agit d'affranchir un esclave ou de nourrir un jour de disette. Un proche orphelin ou un pauvre terrassé par la faim. Tout en étant de ceux qui croient et qui s'enjoignent mutuellement la patience et la clémence. Ceux-là sont les gens de la droite, les gens du paradis, qui prendront le registre de leurs œuvres avec la main droite le jour du jugement dernier. Quant à ceux qui mécroient en nos signes et en nos versets, voilà les gens de la gauche, qui prendront leurs livres avec la main gauche. Et que le feu de l'enfer couvrira de toutes parts. Sourate 91, Ash-Shams, le soleil. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. Par le soleil et ses premiers éclats matinaux, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'obscurcit. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Et par le ciel, comment a-t-il été édifié? Et par la terre, comment a-t-elle été étendue et nivelée? Et par l'âme, comment a-t-elle été façonnée? À la suite de quoi Allah lui inspira son immoralité et sa piété. Aura certainement réussi celui qui l'aura purifié, et aura assurément perdu celui qui l'aura corrompu. Le peuple de Thamoud avait jadis démenti notre message de par leur transgression. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, le messager qu'Allah leur avait envoyé les exhorta alors. Il s'agit là de la chamelle d'Allah, laissez-la donc s'abreuver. Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur les anéantit alors pour leurs péchés et étendit sur eux son châtiment. Et Allah ne craint aucunement les conséquences de leur anéantissement. Sourate 92, Al-Layl, la nuit. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. Par la nuit, quand elle est en son obscurité, et par le jour, quand il est en sa clarté, et par ce qu'Allah a créé comme créature mâle et femelle. إن سعيكم لشتى. Certes, vos œuvres sont diverses et opposées. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Quant à celui qui aura donné de ses biens en aumône et aura craint Allah et aura cru en la grande récompense de l'au-delà, nous lui faciliterons alors l'accès à la voie la plus facile qui mène au paradis. Mais quant à celui qui aura été avare et se sera passé d'Allah en ne le craignant point et aura démenti la grande récompense de l'au-delà, nous lui faciliterons alors l'accès à la voie difficile qui mène en enfer. Et tous ses biens qu'il aura acquis dans ce bas monde ne lui seront d'aucune utilité lorsqu'il y sera précipité. Il n'appartient qu'à nous de guider les gens. Et c'est certes à nous qu'appartient la demeure dernière, de même que la première. Je vous ai ainsi averti d'un feu qui flambe. Dans lequel ne brûlera que le damné, celui qui aura démenti notre message et aura tourné le dos à notre rappel. Mais quant au pieux, il en sera écarté. Celui qui donnait de ses biens pour se purifier. Et qui n'était aucunement intéressé par de quelconque profit dont il aurait pu bénéficier de la part de ceux à qui il donnait de ses biens. Mais qui recherchait uniquement à travers ses dons l'agrément de son Seigneur le Très-Haut, et celui-ci sera assurément bientôt satisfait de sa récompense. Sourate 93, Ad-Duha, les premiers éclats matinaux du soleil. والضحى والليل إذا سجى. Par les premiers éclats matinaux du soleil et par la nuit, quand elle recouvre tout avec son obscurité. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté, ô toi Mohammed. Et la vie future est assurément meilleure pour toi que la vie présente. Et ton Seigneur t'accordera bientôt ta récompense, et tu en seras alors satisfait. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, à la suite de quoi il t'a accueilli auprès de lui? Wajadaka dallan fahada. Et ne t'a-t-il pas trouvé perdu, à la suite de quoi il t'a guidé et élevé au rang de prophète? Wajadaka a'ilan fa'aghna. De même qu'il t'a trouvé dans le besoin, à la suite de quoi il t'a enrichi. Fa'amma al-yatima fala taqhar. Quant à l'orphelin, ne le méprise donc pas. Et quant à celui qui vient te demander quelque chose, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, parle-en aux gens. Sourate 94, Al-Sharh, l'épanouissement. Ne t'avons-nous pas purifié et épanoui la poitrine, te prédisposant ainsi à la prophétie? Et ne t'avons-nous pas allégé le fardeau de la prédication qui pesait sur ton dos? Et n'avons-nous pas honoré et élevé ton évocation auprès des gens? Certes, après la difficulté vient la facilité. Certes, après la difficulté vient assurément la facilité. Donc, une fois libéré de tes fonctions et de tes occupations, adonne-toi à l'adoration avec effort. Et ne désire à travers cela que l'agrément de ton Seigneur. Sourate 95, At-Tin, le figuier. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinaï, et par cette cité sûre, Mecca, la Mecque. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Nous avons certes honoré l'homme en le créant dans la forme la plus parfaite. ثم رددناه أسفل سافلين. Puis nous l'avons ramené au niveau le plus bas à cause de sa désobéissance. Excepté ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense qui ne s'interrompra jamais. Qu'est-ce qui pourrait après cela t'amener à démentir la résurrection, ô toi l'être humain? Allah n'est-il pas le plus sage et le plus juste? Sourate 96, Al-Alaq, l'adhérence. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Lis, ô toi Muhammad, au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Khalaq al-insana min 'alaq. Il a créé l'homme à partir d'une adhérence, l'embryon. Iqra' wa rabbuka al-akram. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux et le plus noble. Alladhi 'allama bil qalam. Celui qui a enseigné au moyen du kalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce que ce dernier ne savait pas. Vraiment, l'homme devient assurément arrogant et rebelle. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même de par sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu Abu Jahl, comment ce dernier a interdit au serviteur d'Allah d'accomplir la prière, le prophète Mohammed? Vois-tu comment ce dernier se trouve sur la bonne voie et comment il ordonne la piété? Et vois-tu comment le premier dément notre message et lui tourne le dos? Ne sait-il pas qu'Allah voit tout? Vraiment, s'il ne cesse pas d'agir de la sorte, nous le saisirons certainement par le toupet. Le toupet d'un menteur, d'un pécheur, qu'il fasse donc appel au sien. Nous ferons alors appel à nos soldats, les anges du châtiment. Mais non. Ne lui obéis pas, ô toi Muhammad, mais prosterne-toi plutôt et rapproche-toi de moi. Sourate 97, Al-Qadr, le destin. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit du destin. Et qu'est-ce qui pourrait te donner une idée de ce qu'est vraiment la nuit du destin ? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois réunis en termes de récompense. Les anges ainsi que l'esprit, Jibril, l'ange Gabriel, descendent au cours de cette nuit, avec la permission de leur Seigneur, avec tout ce qu'Allah a décrété comme ordre pour toute l'année. On ressent durant cette nuit la tranquillité jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate 98, Al-Bayyinah, la preuve évidente. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Les mécréants parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ainsi que les polythéistes, n'étaient pas prêts d'abandonner leur culte jusqu'à ce que leur soit venue la preuve évidente. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Un messager envoyé par Allah qui leur récite des feuillets purifiés de toute souillure et mensonge, dans lesquels se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Et ceux à qui le livre divin a été donné auparavant ne se sont divisés qu'après que la preuve évidente ne soit venue à eux. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Cependant qu'il ne leur avait été commandé que de n'adorer qu'Allah seul en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et de s'acquitter de l'aumône obligatoire, et voilà la religion de droiture. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. Certes les mécréants, parmi les gens du livre, ainsi que les polythéistes, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, ce sont là les meilleurs de toute la création. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Leur récompense auprès de leur Seigneur sera les jardins d'Éden, sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. رضي الله عنهم ورضوا عن. Allah les agrée et il l'agrée. ذلك لمن خشى ربه. Telle sera la récompense de celui qui aura craint son Seigneur. Sourate 99, Al-Zalzala, la violente secousse. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Lorsque la terre sera prise de violentes secousses. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Et qu'elle fera sortir ses fardeaux et que l'homme dira que lui arrive-t-elle donc. يومئذ تحدث أخبارها. Ce jour-là, elle racontera son histoire. بأن ربك أوحى لها. Selon ce que ton Seigneur lui commandera et lui révélera. Ce jour-là, les gens se dirigeront séparément vers le lieu de la reddition des comptes, afin que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque aura donc fait un bien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde, le verra. Et quiconque aura fait un mal, fût-ce du poids d'un grain de moutarde, le verra. Surat 100, Al-Adiyat, les chevaux de guerre. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. Par les chevaux de guerre, lorsqu'ils font du bruit en respirant au galop, et que leurs sabots ferrés font jaillir des étincelles au contact du sol, et qui partent à l'assaut de l'ennemi tôt le matin et soulèvent des nuages de poussière sur leur passage. En faisant irruption au cœur de la troupe ennemie, semant ainsi chez eux la peur et la panique, l'homme est très ingrat envers son Seigneur. Et il est témoin de ce fait, et en est parfaitement conscient. Mais son amour pour les richesses de ce bas monde est tellement grand. Ne sait-il donc pas que lorsque seront ressuscités ceux qui sont dans les tombes et en sortiront, et que sera dévoilé ce qui est dissimulé dans les poitrines. Ce jour-là, le jour de la résurrection, leur Seigneur sera parfaitement informé de leur agissement passé. Sourate 101, Al-Qari'a, le fracas. Al-Qari'a, Al-Qari'a. Le fracas. Qu'est-ce donc que le fracas ? وما أدراك ما القارعة ? Et qu'est-ce qui pourrait te donner une idée de ce qu'est vraiment le fracas ? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Il s'agit du jour où les gens seront comme des papillons dispersés. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Et que les montagnes seront comme de la laine démêlée. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Quant à celui dont la balance sera lourde, il vivra une vie agréable au paradis. Mais quant à celui dont la balance sera légère, il sera précipité, la tête la première, dans un abîme. Et qu'est-ce qui pourrait te donner une idée de ce qu'est vraiment cet abîme ? Il s'agit d'un feu très ardent. Sourate 102, At-Takathur, la course aux richesses. ألهاكم التكاثر. La course aux richesses vous distrait et vous mène à la perdition. حتى زرتم المقابر. Jusqu'à ce que vous finirez dans les tombes. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Mais non, vous en aurez bientôt la certitude. Oh que non, vous en aurez assurément bientôt la certitude. كلا لو تعلمون علم اليقين. Vraiment. Si vous saviez de science certaine vers où vous vous dirigez en ne cessant pas d'agir de la sorte, nul doute que vous serez exposé à la fournaise. Parfaitement, nul doute que vous la verrez avec l'œil de la certitude le jour de la résurrection. Puis vous serez sans le moindre doute ce jour-là interrogé sur les bienfaits qui vous avaient été jadis accordés. Sourate 103, Al-Asr, le temps. والعصر إن الإنسان لفي خسر. Par le temps, les hommes sont certes en perdition. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Excepté ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Sourate 104, Al-Humaza, les médisants. ويل لكل همزة لمزة. Malheur à tout médisant, plein d'insinuations calomnieuses. الذي جمع مالا وعدده. Qui amasse l'argent et ne cesse de le compter. يحسب أن ماله أخلده. Pensant que sa fortune le rendra immortel. كلا لينبذن في الحطمة. Mais non, il sera certainement jeté dans le feu de l'enfer. وما أدراك ما الحطمة. Et qu'est-ce qui pourrait te donner une idée de ce qu'est vraiment le feu de l'enfer ? نار الله الموقدة. Il s'agit d'un feu ardent qu'Allah a préparé et qui a été attisé pour l'éternité. التي تطلع على الأفئدة. Qui pénétrera les corps des damnés jusqu'à atteindre leur cœur. إنها عليهم مؤصدة. Il se renfermera sur eux, les cernant ainsi de toutes parts par d'immenses colonnes de flammes. Sourate 105, Al-Fil, l'éléphant. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi à l'encontre de l'armée d'Abyssin conduite par des éléphants qui voulaient détruire la Kaaba, la maison sacrée. ألم يجعل كيدهم في تضليل. N'a-t-il pas déjoué leur stratagème. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. En envoyant sur eux des oiseaux par volée. ترميهم بحجارة من سجيل. Qui leur jetèrent des pierres d'argile. لهم كعصف مأكول. Les rendant ainsi semblables à des graines mâchées. Sourate 106, Quraysh. لإيلاف قريش. Quelle étonnante union que celle du peuple de Quraysh. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Union qu'ils établissaient pour leurs longs voyages commerciaux deux fois par an, l'un au Yémen en hiver et l'autre en Syrie en été. فليعبدوا رب هذا البيت. Qu'il se rassemble donc de la même manière autour de l'adoration exclusive du Seigneur de cette maison sacrée, la Kaaba. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Celui qui les a nourris de leur faim et qui les a rassurés de leur peur. Sourate 107, Al-Ma'oun, l'ustensile de cuisine. As-tu vu celui qui traite de mensonge la résurrection ? Celui-là même qui délaisse l'orphelin. Et qui ne nourrit pas le pauvre, ni n'incite à le nourrir. Malheur donc à ce genre de prieur. Ceux qui sont négligents dans l'accomplissement de leurs prières, ceux qui ne l'accomplissent que dans l'unique but qu'ils soient vus et qui refusent d'aider leurs prochains, ne serait-ce qu'en lui donnant un ustensile de cuisine. Sourate 108, Al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar. Nous t'avons certes accordé le bien en abondance, de même qu'Al-Kawthar, ce fleuve au paradis, ô toi Mohammed. Multiplie donc les prières pour ton Seigneur ainsi que les sacrifices en signe de remerciement. Et quant à celui qui te déteste, c'est certes lui qui est et qui sera privé de tout le bien. Sourate 109, Al-Kafiroun, les mécréants. Dis, ô toi Mohammed, ô vous les mécréants, la a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. Wa la antum a'biduna ma a'bud, et vous n'adorez pas ce que j'adore. Wa la ana a'bidun ma a'badtum, de même que je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum wa li din, tout comme vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, à vous votre religion et à moi la mienne. Sourate 110, An-Nasr, le secours. Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en masse dans la religion d'Allah, glorifie alors ton Seigneur par sa louange et implore son pardon, car il est certes accueillant au repentir. Sourate 111, Al-Masad, la corde rugueuse. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sa fortune ne lui sera en rien profitable au jour de la résurrection, de même que tout ce qu'il aura acquis dans cette vie présente. Sayasla naran dhat lahab. Il brûlera en enfer dans un feu plein de flammes. وامرأته حمالة الحطب. De même que son épouse, la porteuse de bois. في جيدها حبل من مسد. Au cou de qui sera attaché tel un collier de corde rugueuse. Sourate 112, Al-Ikhlas, la sincérité. قل هو الله أحد. Dis, ô toi Muhammad, il est Allah unique. الله الصمد. Allah, celui vers qui on s'oriente exclusivement. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a jamais été engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et absolument rien n'est semblable à lui. Sourate 113, Al-Falaq, l'aube naissante. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, ô toi Muhammad, je recherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. من شر ما خلق. Contre le mal de tout ce qu'il a créé. ومن شر غاسق إذا وقب. Et contre le mal de la nuit lorsqu'elle s'obscurcit. ومن شر النفاثات في العقد. Et contre les maléfices des sorcières qui soufflent sur les nœuds. ومن شر حاسد إذا حسد. Et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Sourate 114, An-Nas, les gens. قل أعوذ برب الناس. Dis, ô toi Muhammad, je cherche protection auprès du Seigneur des gens. Malikin nas. Souverain des gens. Ilahin nas. Divinité des gens. Min sharril waswasil khannas. Contre le diable qui suggère le mal à l'oreille des gens, puis qui se retire furtivement lorsque ceux-ci se réveillent de leur inattention. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Qui insuffle le mal dans les poitrines des gens. Min al-jinnati wan nas. Parmi les djinns, des créatures invisibles et les humains.